La ville de San Miguel de la province de Bolívar de l'Équateur a décidé d'honorer le président Kim Il-sung, le général Kim Jong-il, Madame Kim Jong-soo, héroïne anti-japonaise, et le dirigeant suprême Kim Jong-un comme citoyen d'honneur. On a adopté le vide courant la décision d'offrir les titres de citoyen d'honneur aux grands hommes Paektusan. La décision note qu'on offre les titres de citoyen d'honneur au généralissime Kim Il-sung, éternel président de la République populaire démocratique de Corée, au généralissime Kim Jong-il, éternel leader du Parti du Travail de Corée, à Madame Kim Jong-soo, héroïne anti-japonaise, et au maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée, en reflétant la vénération infinie du gouvernement et des citadins de la ville de San Miguel et la volonté de renforcer les liens fraternels et la solidarité avec le peuple coréen.